J'ai commencé avec rien dans les poches, quelque chose cloche, une flèche, je décoche et la lune, je décroche. Double croche de platine, tu sais que je taquine, peu importe ton mode de transport, y'a le submarine. J'attends sous-marin, je sors le périscope quand y'en a besoin. Sors ton télescope, je suis tellement loin. Je me lève, je suis au radar, encore en retard, je me suis couché trop tard. La veille, c'était son et pétard. Dans ma vie, très prudente d'artiste, on m'a dit, c'est pas évident, il faut que t'insistes. Aujourd'hui, je reste dedans et je persiste. À mon avis, la reconnaissance n'est pas pour tout de suite. Je sais que dans ma vie, très prudente d'artiste, on m'a dit, c'est pas évident, il faut que t'insistes. Aujourd'hui, je reste dedans et je persiste. À mon avis, la reconnaissance n'est pas pour tout de suite. Comment oublier toutes ces années passées, à galérer, trimer, se demander ce que j'allais bouffer. La mer te suit et ça, peu importe ton vécu. Une épreuve de plus pour ton numéro de sécu. J'suis pas le premier à dire que je vais pas m'en sortir. Plutôt que fuir, préférez-vous me voir mentir. Pour faire croire que le pays dans lequel on vit n'est pas une blague et qu'ici tout le monde sourit. Au fond, on se débrouille avec ce qu'on a. Ce n'est pas l'État qui me contredira. Laissez-moi enfin kiffer ce son. Grâce à mon refrain, j'ai retenu la leçon. Dans ma vie, très prudente d'artiste, on m'a dit, c'est pas évident, il faut que t'insistes. Aujourd'hui, je reste dedans et je persiste. À mon avis, la reconnaissance n'est pas pour tout de suite. Je sais que dans ma vie, très prudente d'artiste, on m'a dit, c'est pas évident, il faut que t'insistes. Aujourd'hui, je reste dedans et je persiste. À mon avis, la reconnaissance n'est pas pour tout de suite.